Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, le procès de Maurice Papon. Madame, monsieur, bonsoir. Le verdict est tombé. 10 ans de réclusion criminelle pour Maurice Papon, accusé de complicité de crimes contre l'humanité. 6 mois de procès, 17 ans d'instruction, 50 ans après les faits, l'ancien ministre, haut fonctionnaire, mais aussi dans sa jeunesse, secrétaire général de la préfecture de Gironde pendant l'occupation, a été donc rattrapé par son passé. Le 2 avril 1998, Maurice Papon est reconnu coupable d'avoir participé à la déportation de près de 1700 Juifs de la région de Bordeaux au temps de l'occupation. Ultra-médiatisé et plus long procès criminel de l'après-guerre en France, le procès Papon est bien plus que le procès d'un seul homme. L'affaire Papon vient en fait remuer l'une des pages les plus douloureuses de l'histoire de la France au 20e siècle. Ce crime ne peut être tronçonné. C'est tout ou rien. Je suis coupable ou innocent. Comment devient-on un Papon? Comment peut-on être responsable de la mort d'hommes, de femmes et surtout d'enfants en croyant avoir fait son devoir? Il venait comme un ministre, il était habillé comme un ministre, il parlait comme un ministre, donc on avait l'impression de dessiner presque parfois une séance du Conseil des ministres. Ça a été quand même assez dur, il ne nous a jamais regardés. Moi, je ne peux pas dire que j'avais de la haine, j'avais plutôt du mépris pour lui. À une voix près, il aurait pu être condamné à 20 ans, comme le réclamait le parquet général. À une voix près. Nous étions sous une très forte pression. Tout cela avait quelque chose de très excitant, mais c'était très dur. J'aurais peut-être quitté la France si Papon n'avait pas été condamné. Ce procès pour lequel j'étais réticent m'a beaucoup apporté. C'est un extrait du documentaire de Stéphane Bihan, Maurice Papon, les leçons d'un procès, réalisé en 2018, que vous venez d'entendre. Pour nous raconter cette affaire, l'affaire Papon, et le célèbre procès qui va en découler, je reçois Martin Laberge, qui est professeur d'histoire des relations internationales à l'Université du Québec en Outaouais. Martin Laberge, bonjour. Bonjour. Ce procès, le procès Papon à Martin Laberge, ça a été le plus long procès criminel de l'après-guerre en France. C'est un procès qui a profondément marqué ce pays, la France. Pourquoi? Bien, en fait, c'est un des derniers procès qui permet de juger des responsables des crimes du régime de Vichy. Faut pas l'oublier, au moment des faits, Papon, au moment du procès, Papon a 87 ans. Le procès est aussi exceptionnel par sa durée. C'est vrai qu'il débute en octobre 97 et dure 6 mois, mais l'affaire et les accusations contre Papon remontent au début des années 80. C'est exceptionnel aussi par les participants. Outre Maurice Papon, on retrouve également des victimes et leurs familles, des résistants, des historiens, de nombreux journalistes qui commandent quotidiennement le procès. Puis en fait, le procès est marqué par la rencontre de l'histoire et de la mémoire de la période de Vichy. Et donc, c'est un procès qui est fortement médiatisé, qui contribue aussi à son importance. Il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose qui dure depuis les années 80 et ça met en cause une partie de l'establishment politique et judiciaire de l'époque. Oui, procès de, plus que le procès d'un homme, encore une fois, le procès d'une page d'histoire très sombre de la France et puis de gens puissants qui sont devenus puissants dans cette France de l'époque du procès. Cela dit, il y en a eu d'autres grands procès de criminels de guerre associés à la Seconde Guerre mondiale. Comment est-ce qu'on compare le procès Papon, je ne sais pas moi, à d'autres procès qui ont fait la manchette, celui de Klaus Barbie en 87 ou celui de Paul Touvier en 94, par exemple? Tout à fait. Papon, par rapport à Barbie et Touvier, c'est un personnage mineur du régime de Vichy. Puis qui plus est, c'est pas un idéologue. Klaus Barbie était responsable de la Gestapo de la région de Lyon. C'est lui aussi qui est responsable, entre autres, de l'arrestation, la déportation et la mort de nombreux résistants. On n'a qu'à penser, par exemple, à Jean Moulin, celui qui était chargé par De Gaulle d'unifier la résistance. Mais quant à Paul Touvier, c'était lui un chef régional de la milice de Lyon, c'est-à-dire un responsable dans cette région de la force paramilitaire chargée de lutter contre la résistance. Et il s'agit, dans le cas de Touvier, un représentant zélé du régime de Vichy. Maurice Papon est, quant à lui, entre 42 et 44, sous-préfet de la Gironde. Il s'agit d'un fonctionnaire avec peu de pouvoir, mais qui a exécuté fidèlement les ordres qu'on lui donnait. Je pense que si on veut distinguer les trois procès, on pourrait dire que Barbie, c'est le procès de l'occupation allemande. Touvier, c'est le procès du régime de Vichy, alors que Papon, c'est le procès de la France de Vichy. Hmm. Intéressant. Ce qui fait que ce procès-là, donc, va avoir, on le comprend bien, encore une fois, une résonance énorme dans ce pays-là. Vous l'évoquiez il y a un instant, bien avant le procès Papon, il y a eu l'affaire Papon. Ça s'étale sur vraiment de nombreuses années. Quand et dans quel contexte éclate cette affaire Papon? Mais en fait, c'est un membre du personnel des archives départementales de la Gironde, le Jean Cavignac, qui découvre des documents incriminants à la fin des années 70. Et il a raconté l'histoire, là. Il rappelait là, qu'il était à genoux dans une pièce inutilisée là, des archives, à fouiller dans des paquets d'archives qui avaient été laissés en vrac. Et puis, il raconte qu'il a ouvert une première liasse de documents. Puis elle concernait la rafle des Juifs de Juillet et d'Août 1942. Et c'est là, essentiellement, qu'il a vu la signature de Maurice Papon. Et c'est là, essentiellement, qu'il a compris qu'il tenait quelque chose là, d'important. Et c'est le journal satirique et d'enquête, Le Canard enchaîné, qui va se saisir de l'affaire en mai 81, au moment des élections présidentielles qui opposent Giscard et Mitterrand. Et d'ailleurs, le premier article qui sera publié à propos de cette affaire le 6 mai par Le Canard enchaîné donne le ton, parce qu'essentiellement, l'intitulé de l'article, c'est « Quand un ministre de Giscard faisait déporter des Juifs ». Et le journal va publier même des facsimilés de documents d'archives incriminants qui portent d'ailleurs, encore une fois, la signature de Papon. Et dans les semaines qui suivent, le journal va publier les résultats de son enquête. Il faut comprendre que c'est un choc considérable puisque les faits étaient essentiellement inconnus à l'époque. Et Papon, non seulement c'était un personnage public important, mais il était réputé avoir servi la résistance pendant la guerre. Donc, c'est comme si on découvrait la face cachée de quelqu'un qu'on avait associé à la résistance, alors qu'au fond, il a servi le régime de Vichy. Qu'est-ce qu'on lui reproche carrément quand éclate cette affaire? Bien, en fait, on découvre qu'il ne fut pas seulement sous-préfet de la Gironde, mais qu'il était également responsable, entre 1942 et 1944, du Bureau des affaires juives. Il est donc chargé de la spoliation des biens juifs, de ficher les juifs qui seront arrêtés et envoyés à Drancy, qui était un camp de transit en banlieue parisienne avant la déportation vers Auschwitz. Ce sont donc une dizaine de convois qui vont quitter Bordeaux à destination de Drancy entre 1942 et 1944. Et d'ailleurs, il faut le noter, le dernier convoi va quitter Bordeaux en mai 1944. Et donc, suite à la révélation de ces informations, il y a une première plainte qui va être déposée en décembre 81 pour crime contre l'humanité au nom de 8 personnes arrêtées, internées et ensuite mortes à Auschwitz. Bon, cependant, une erreur oblige une première abandon des procédures. Il y a même un panel de résistants qui va témoigner en faveur de Papon. Cependant, ils vont considérer que Papon aurait dû démissionner de son poste en 1942. Et ce qui est important de comprendre là, pour saisir l'ampleur de l'affaire, c'est qu'il faudra pratiquement 16 ans pour monter le dossier d'accusation et que les procédures aboutissent au procès de 1997. Et aussi, fait à souligner, pendant cette période, le président Mitterrand va défendre Papon et va intervenir régulièrement pour tenter de ralentir les procédures. Ouais. Puis ça, c'est un point central parce que, puis vous l'avez un peu évoqué, mais au fond, Maurice Papon, bien sûr, cette histoire-là, ça ramène la France à cette époque du régime de Vichy avec tout ce que ça a voulu dire. Ça ramène de mauvais souvenirs, mais il y a beaucoup de gens qui ont aussi, d'une certaine façon, collaboré à ce régime-là. Donc, il y a ça. Et il y a le fait que Papon, c'est pas n'importe qui. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un grand serviteur de l'État, un ministre, ce qui explique probablement que la classe politique, et Mitterrand en l'occurrence, savent pas trop quoi faire avec cette histoire-là quand elle sort publiquement. Parlez-nous de ça, au fond, l'importance qu'il avait, qui était Maurice Papon? Oui, bien, je pense que c'est le nœud du procès se trouve là, parce qu'au moment des faits reprochés, on l'a déjà mentionné, là, Papon, à 32 ans, sous-préfet de la Gironde, il occupe un poste subalterne. Toutefois, Papon, c'est un fonctionnaire ambitieux et surtout au nom de services rendus à la résistance. Bon, en fait, il a rejoint la résistance à la toute fin de la guerre. Il deviendra un administrateur important puis un homme politique en vue de la 4e et de la 5e République. Par exemple, il a été préfet de la police entre 1958-1967, entre autres au moment de la répression violente des manifestations en faveur de l'indépendance algérienne à Paris en 61, président de Sud Aviation, il va être maire, député. Et finalement, au moment des accusations en 81, il est ministre du budget dans le gouvernement Barre. Bref, c'est un des acteurs de la modernisation de la France d'après-guerre. Et il était perçu, jusqu'aux révélations du canard enchaîné, comme un grand serviteur de l'État. Il va même écrire des ouvrages sur le rôle des commis de l'État, et l'un d'entre eux, publié en 60, paradoxalement, porte le titre « L'ère des responsables ». Toutefois, les révélations du canard enchaîné vont faire voler en éclats là, cette image là, de grand commis de l'État. Oui. Et c'est le 8 octobre 1997 que débute le procès de Maurice Papon. Et dès le début du procès, on se retrouve vraiment, c'est assez fou, au milieu d'une joute procédurale de haut vol. Vous allez voir d'ailleurs de quoi il s'agit en écoutant l'extrait de ce reportage diffusé au journal télévisé de France 3 le jour de l'ouverture du procès de Maurice Papon en octobre 1997. Maurice Papon arrive au palais de justice à bord d'une voiture de tourisme. Cette image sera la seule autorisée par l'accusé. Il va refuser d'être photographié dans son box entre deux policiers. Poursuivi pour crime contre l'humanité, il veut à tout prix éviter d'avoir l'apparence d'un coupable. Avec la même volonté, l'un de ses avocats a d'emblée demandé sa mise en liberté au magistrat de la cour. Maurice Papon a passé sa première nuit dans une cellule de 10 mètres carrés. Selon Maître Varro, lui imposer cette situation pendant 11 semaines serait dangereux pour sa santé. Il a été réveillé 3 fois par la lumière. Il a dormi 3 heures à cause des bruits. Il a été réveillé le matin alors qu'il doit avoir une sieste longue et un repos en raison de son état cardiaque. On lui a refusé du thé alors que le café lui est interdit. Il est incontestable que si ce régime continue quelques jours, la question sera résolue. On veut qu'il se taise, en réalité il mourra. Mais selon le procureur général Desclot, la loi exige qu'un accusé soit détenu jusqu'au verdict. Pas question de faire une exception pour Maurice Papon. Ce magistrat a reçu le soutien des parties civiles. Il semblerait qu'il a une toute petite cellule et tout ça, dont les notes étaient entassées dans les wagons. Est-ce que les gens se l'imaginent ? Là, il est à la place où il aurait dû être il y a 50 ans. La cour a finalement décidé de faire examiner l'accusé par des experts médicaux qui rendront demain leurs conclusions. Avant même que les jurés n'aient été tirés au sort, le procès Papon a commencé par une passe d'armes. Alors, le procès de Maurice Papon s'ouvre donc le 8 octobre 1997, Martin Laberge. Ça va durer 6 mois, ce procès. À quoi ça va ressembler concrètement, ce procès-là? Un procès, encore une fois, très, très médiatisé. Sur quoi, au fond, doit se pencher la cour et qui va témoigner dans ce procès qui va durer 6 mois? Le procès est marqué par de nombreux coups d'éclat. Il y a la première question de la détention de Papon qu'on vient d'entendre, où en raison de sa santé, la majorité des magistrats de la cour d'assises considèrent qu'il n'a pas à rester en prison. Et comme on l'a entendu également, ça choque les témoins, qui rappellent que les victimes n'ont pas eu ce privilège lorsqu'elles furent arrêtées. Il ne faut pas oublier aussi que Papon participe, lorsque sa santé le permet, aussi aux délibérations. Et donc, Le cœur du procès, c'est que la Cour doit essentiellement se pencher sur le rôle dans la déportation des Juifs de la Gironde de Papon. Et le problème fondamental du procès réside dans la définition même du crime contre l'humanité. À l'origine, la définition de ce crime était construite de manière à juger de hauts responsables allemands ou du régime de Vichy, pas des subalternes comme Papon. Ouais. Donc, il est difficile de démontrer que Papon a commis un crime contre l'humanité, puisque là, ça suppose, au moment du procès, qu'il connaissait le sort ultime des Juifs déportés. Il y a aussi la question de la marge de manœuvre que possédait Papon. Pouvait-il refuser les ordres? Bon, à ce propos, il faut rappeler que d'autres ont refusé de collaborer avec le régime de Vichy. Par exemple, en 1943, il y a le préfet régional de Marseille qui refuse de préparer une liste d'otages pour les Allemands et à la place, il va se porter volontaire pour les remplacer. Il y a aussi, faut mentionner, la seconde partie de son procès qui remet également en cause son passé de résistant, qui est pourtant le socle sur lequel s'est bâti sa carrière après la guerre. Oui. Et quel genre d'attitude il va avoir, de fait, au cours de son procès à Papon, du haut de la stature qu'il a acquise au fil du temps? Et essentiellement, Papon va refuser naturellement de reconnaître les faits et va clamer son innocence là, durant l'ensemble du l'essentiel du procès. Ouais. Une des particularités de ce procès-là, puis ça, évidemment, ça vous intéresse, on comprend bien pourquoi, c'est qu'il y a de nombreux historiens qui vont être appelés à témoigner. Et ça va d'ailleurs provoquer de nombreux débats au sein de la communauté des historiens, justement. Ah, tout à fait. Parce qu'il faut comprendre que le procès place face à face Papon, les victimes, des résistants et des historiens. Et donc, il y a une certaine libération de la parole pendant le procès. La parole des victimes et la parole des historiens. Et dans les deux cas, c'est particulièrement intéressant, en lien avec la médiatisation du procès, ces groupes rejoignent de nouveaux publics. la participation des historiens, justement, sème la controverse au sein de la communauté historienne. Bon, essentiellement, leur rôle, que ce soit pour l'accusation ou la défense, c'est de mettre les événements en contexte. Mais il faut voir qu'ils ont un rôle peu enviable. Hein. C'est celui d'expliquer une période historique, alors que des témoins de cette même période prennent également la parole lors du procès. Et essentiellement, la question fondamentale qui se pose auprès des historiens est de savoir s'il est possible de juger sans anachronisme. Il faut aussi voir que les débats entre les historiens à la cour sont également repris sur la place publique, dans les journaux, à la radio et sur les plateaux télé. Et ces débats démontrent les différences d'interprétation qui existent chez les historiens spécialistes de la période. Et surtout, ils mettent publiquement de l'avant et au grand jour des débats qui sont habituellement réservés aux colloques historiques ou aux publications spécialisées. Et en fait, je pense que ce que le procès illustre, c'est la tension entre la mémoire et l'histoire, qui sont, il faut bien le comprendre, deux choses différentes. Hein. L'histoire, c'est l'analyse du passé à partir des sources pour lui redonner son sens et sa complexité, alors que la mémoire, c'est l'utilisation du passé pour répondre à des impératifs du présent. Et dans le cas du procès de Papon, c'est la quête de justice pour les victimes juives. Toutefois, la mémoire simplifie une époque et parfois déforme le passé. Donc, le choc du grand public lors du procès fut sans doute de constater la complexité de la période, les enjeux associés, puis comment ils évoluent dans le temps. Parce qu'il faut comprendre qu'être sous-préfet à Bordeaux en 1942, alors que l'Allemagne semble victorieuse, ne signifie pas la même chose qu'en 1944, au moment du départ du dernier convoi, alors que la victoire des Alliés semble possible. Et surtout, ce que met l'avant le procès, c'est la coopération avec le régime de Vichy entre 1940 et 1944 de nombreux membres de l'administration française. Et surtout que ces mêmes fonctionnaires ont pu passer sans trop de difficultés de serviteurs de Vichy à serviteurs de la 4e et 5e République. Mais ça nous amène à parler à nouveau, Martin Laberge, ce que vous venez de décrire de la France faite de femmes et d'hommes ordinaires qui vivent dans ce contexte de guerre, dans ce contexte d'une France qui est occupée, qui collabore donc avec le régime de Vichy avec la puissance nazie. Et ça, ça touche bien sûr des gens qui auront des postes officiels, mais ça touche le français et la française moyenne. Ce qui fait que, encore une fois, ce procès-là, c'est beaucoup plus que le procès d'un seul homme. C'est une tranche de l'histoire dans laquelle tous et toutes, en tout cas beaucoup de monde, se reconnaissent. Ah, tout à fait. Et surtout, ça brise l'idée voulant qu'une majorité de Français ait résisté. Et surtout, ça démontre la complexité à la fois de la collaboration et de la résistance. Et faut bien comprendre que c'est un passé qui est encore très présent en 1980, fin des années 90. Et ça remet en cause justement les actions de bien des Français au-delà du jugement de Papon. Et ce procès-là, il arrive donc dans cette période des années 90, à un moment où il s'écrit beaucoup de choses, où déjà la France est là-dedans, là, il y a plein de publications. On s'intéresse à ce passé, encore récent, entre guillemets, au moment où arrive l'affaire Papon. Ah, tout à fait. Les travaux des historiens sont très nombreux, vont dépasser essentiellement le cadre restreint, si vous voulez, là, des colloques et des publications là, spécialisées en histoire. Ça va rejoindre un public très large. On le voyait à l'époque là, dans les librairies en France et au Québec. Donc, essentiellement, c'est une page mémorielle là, qui se tourne au moment du procès en lien avec ses nombreuses publications. Et essentiellement, c'est la fin d'une vision gaulliste de la France de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire un peuple qui est soudé derrière De Gaulle et qui est prêt à faire ce qu'il faut lorsque les circonstances le demandent. Je pense que l'exemple représentatif de cette vision, c'est probablement le film de 1966 qui met en vedette Louis de Funès et Bourvil, La Grande Vadrouille. Oui. On revient donc au procès et à son issue le 2 avril 1998. 18 heures de délibération, 10 ans de prison pour Maurice Papon. 10 ans! Après l'annonce du verdict, l'émotion des parties civiles. Monsieur, je n'ai pas de mots, je n'ai pas de mots. C'est le plus beau jour, je crois, de ma vieillesse. Et le coup de colère de Jean-Marc Barrault, l'avocat de la défense. Quelle a été la réaction de Maurice Papon? Le mépris. Sans surprise, il savait les pressions exercées, le mépris. Désormais, les parties civiles vont se battre pour tenter d'obtenir rapidement l'emprisonnement de Maurice Papon. Une intention attisée par un verdict qui ne retient pas la complicité d'assassinat. Quand on pense qu'il y a 1000 enfants, quand on pense qu'il y a 1500 personnes qui ont perdu, qu'on leur a redonné la mort, eh bien, je trouve que 10 ans, les jurys n'ont rien compris. Parce que demain, ça recommence. Ce que nous regrettons, c'est que l'assassinat n'ait pas été retenu. Et c'est là-dessus que nous allons combattre. Parce que nos parents ont été assassinés. C'est donc le 2 avril 1998 que Maurice Papon est reconnu coupable pour complicité de crimes contre l'humanité, condamné à 10 ans de prison. Au-delà de ce qu'on vient d'entendre, Martin Laberge, comment sont accueillis le verdict et la sentence de Maurice Papon par les Français au printemps de 1998? Bien, au terme du procès, le 2 avril 1998, il sera condamné pour complicité de crimes contre l'humanité et condamné à 10 ans de prison et à la perte de ses droits civiques. Bon, la sentence confirme que l'image du grand serviteur de l'État s'est définitivement effondrée. C'est également la victoire d'une certaine idée voulant, là, j'aime bien reprendre la belle formule que Jean-Noël Jeannet a eue, qui a un socle de certitude morale qui demeure inchangé à l'époque et aujourd'hui. Donc, et on l'a entendu dans l'extrait, c'est un jugement là, qui est fait au plus grand soulagement de la société civile française, parce que jusqu'à la toute fin du procès, on craignait justement un acquittement. Mais en même temps, donc, soulagement, mais on l'entendait également dans cet extrait, demi-mesure pour de nombreux Français aussi. Oui, tout à fait. Mais comme je l'ai mentionné en début d'émission, prouver que Papon était accusé et condamné Papon pour crime contre l'humanité signifiait qu'il connaissait la destination ultime des déportés. Et ça, cette preuve-là a été impossible à faire là, dans le contexte là, du procès. Bon, un mot en terminant aussi sur un épisode qui va suivre le jugement et la sentence de Maurice Papon. C'est un personnage, je pense qu'on l'a déjà compris. Il va prendre la fuite à un moment donné. Racontez-nous cet épisode-là, avant d'être attrapé, bien sûr. Racontez-nous cet épisode-là, Martin Laberge. Bien oui, après, à la fin du procès, Papon va porter l'affaire en appel, mais le 11 octobre 1999, il va quitter sa propriété en Seine-et-Marne pour la Suisse. Bon, pour rappeler qu'il devait se constituer prisonnier le lendemain, il va rédiger une longue lettre qu'il va envoyer au journal Sud-Ouest, où il clame encore une fois son innocence et il se dit victime d'une chasse à l'homme médiatique sans précédent. Bon, sa fuite va causer un scandale, parce qu'en effet, là, comment est-ce qu'un homme condamné pour complicité de crimes contre l'humanité a-t-il pu conserver son passeport. Bon, sa fuite sera toutefois de courte durée. Il sera arrêté le 21 octobre par la police fédérale suisse en possession de 3 passeports dans un hôtel de Gstaad. Et sa demande d'appel sera conséquemment refusée et il prendra le chemin de la prison de Fresnes où il va purger 3 ans sur les 10 ans de sa condamnation. Il sera libéré en septembre 2002 en raison de sa mauvaise santé et va mourir le 17 février 2007 en clamant jusqu'à la fin de sa vie son innocence. Martin Laberge, professeur d'histoire et des relations internationales à l'Université du Québec en Outaouais. Ça a été un plaisir de vous entendre nous parler de ce procès et de cette affaire Maurice Papon. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.